Écoutez. Nous apprenons le français. Comment ça va? Bonjour monsieur. Répétez. Écoutez. Nous apprenons le français. J'apprends l'anglais. Désolé. Maintenant, répétez. Bonjour. Comment ça va? Bonjour monsieur. J'apprends l'anglais. Désolé. Au revoir.